L'histoire, elle est là pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, eh ben, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. L'histoire, elle est là pour nous rappeler que... Les profits des entreprises du CAC 40 en forte hausse. Les profits du CAC 40. Inégalité sociale. Ceux qui sont vraiment responsables. Les profits du CAC 40. Inégalité sociale. Ceux qui sont vraiment responsables. Ils nous accusent, nous, travailleurs immigrés, que nous sommes une menace pour la sécurité des Français. Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. nous ne pouvons pas nous taire. Quand un travailleur algérien se fait tabasser par les flics et insulter bien pire qu'un chien. Et qu'il faut pour que ça s'arrête, qu'on soit des milliers dans la rue.